إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc l'intitulé du cours, comme vous le savez, c'est التحذير من سب الصحابة رضي الله عنهم. Donc l'avertissement, la mise en garde contre l'insulte, le dénigrement, le rabaissement, de taxer de mécréance, de perversité, de toute forme de mal, les meilleurs des hommes après les prophètes qui sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pris d'un écrit du grand savant, l'imam, le sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Il dit: Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toute la louange revient à Allah, le Seigneur des mondes. Qu'Allah prie et salue sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Wa ba'd, fa inna Allah faddala as-sahabata ala man ja'a ba'dahum min quruni al-umma. Allah subhanahu wa ta'ala a donné prééminence. La préférence a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala aux compagnons, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur toutes les générations et les siècles qui viennent après eux. Sahabi, c'est le singulier, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout homme et toute femme qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, en étant musulman, et qui est mort ainsi, il est mort sur l'islam. Donc cette personne-là, il a ce statut d'être un compagnon. On précise bien rencontrer, à la différence du terme voir. Parce que quand on dit c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on exclut en disant cela les aveugles. Et parmi les compagnons, il y avait des aveugles. Et eux, du fait de leur handicap, ils ne pouvaient pas voir. Donc ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont vécu à son époque, ils l'ont rencontré. Donc ils ont le statut de compagnon. Ce sont ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant cru en lui, en étant musulman, et qui sont morts ainsi. Donc sort de cette appellation tous ceux qui auraient vu ou rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam un laps de temps ou même pendant très longtemps, mais qui sont restés dans la mécréance et dans le polythéisme et qui n'ont pas cru en lui. Eux n'ont pas ce statut-là. Et donc ce sont des hommes, des personnes qui ont été choisis par le Seigneur subhanahu wa ta'ala pour qu'ils vivent à cette époque du meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils lui tiennent compagnie et qu'ils le secourent alayhi salatu wa salam. Donc c'est un honneur qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas octroyé ni donné à quiconque. Mais ce sont des hommes qui ont été honorés par Allah Azza wa Jal. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله nous dit dans le sens du verset. Le verset numéro 100 de la sourate At-Tawbah, le repentir. Dans le sens du verset, et les premiers, les prédécesseurs, parmi Al-Muhajirin et Al-Ansar, ce sont les deux catégories de personnes qui composent les compagnons. Al-Muhajirun, ce sont ceux qui ont accompli l'émigration à l'époque, avec le prophète sallallahu alayhi wasallam. Ce sont les musulmans de la Mecque, les premiers musulmans qui ont vécu la première période de l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'ordre est venu d'émigrer, ils ont émigré, quitté leur terre, la meilleure terre qui est la Mecque, vers la terre de l'émigration, leur lieu d'émigration qui est la ville de Médine. Et Al-Ansar, ce sont les musulmans venus après, qui sont les musulmans de Médine, les habitants de Médine. Donc eux, on les appelle Al-Ansar, ce sont ceux qui ont donné refuge et qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les muhajirin. Donc on les appelle Al-Ansar. On retrouve la racine de Nasara, c'est secourir, venir en aide, comme le nom qui a été donné à ceux qui ont aidé et secouru le prophète Isa alayhi salam. On les appelle Nasara, c'est la même racine. Nasara yansuru, secourir, venir en aide. Donc al-muhajirin et al-ansar. Et ceux qui les ont suivis convenablement, qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Voilà le grand gain. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Numéro 8 et 9 de la sourate Al-Hashr, l'Exode. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il appartient aussi, c'est-à-dire que les versets d'avant, il est parlé de Al-Fay. Al-Fay, c'est une sorte de butin de guerre. Le mot connu dans ce, pour le terme butin, c'est al-ghanima. Et le pluriel, c'est al-ghanaim. Et on a un autre terme qui est al-fay. La différence entre al-fay et al-ghanima, c'est que al-ghanima, c'est un butin de guerre après la bataille, gagné. Et al-fay, c'est sans bataille. La guerre, elle a été gagnée sans qu'il y ait bataille. Et ce butin de guerre-là, qui se distingue de celui qui a suivi une bataille, on l'appelle Al-Fay. Et il y a un partage bien précis qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne comment il doit être fait. Donc ça, c'est les versets qui précèdent. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il appartient à qui ? Al-Fay, ce butin. Il appartient aussi aux émigrés besogneux. Et ceux qui sont dans le besoin, pauvres, dans la nécessité. Al-Muhajirin, les habitants de la Mecque, qui ont tout délaissé, qui ont quitté la Mecque. Il y en a, ils ont laissé leur demeure, leur richesse, leurs biens matériels. Il y en a qui sont partis avec rien. Et il y en a qui n'avaient rien du tout. Donc, ils sont dans le besoin. Qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens. Tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah. Et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Voilà Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les éloges. Et qui connaît mieux ces créatures que lui-même, subhanahu wa ta'ala, fait les éloges de l'muhajirun. Ces premiers musulmans de la Mecque qui ont émigré, Allah dit, ceux-là sont les véridiques. Il appartient également, la partage de l'fayl, à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays, c'est-à-dire ceux qui habitaient déjà à Médine, les habitants de Médine, ceux qui sont devenus musulmans, les Médinois qu'on appelle Al-Ansar, qui se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Ça, c'est pour vous montrer le haut degré de caractère, de comportement des Ansar, qu'ils préféraient donner en premier lieu aux Muhajirin avant même de se servir eux-mêmes ou d'avoir eux-mêmes, même si eux-mêmes étaient dans le besoin. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des Ansar. Ce sont ceux-là qui réussissent. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ça c'est le verset numéro 29 de la sourate Al-Fath, qui est la conquête. Dans le sens du verset, Allah nous dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, en sa compagnie, ce sont les compagnons, al-muhajirin ou al-ansar, radiallahu anhum, sont durs envers les mécréants, miséricordieux, cléments entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile, est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, c'est-à-dire les croyants, remplit de dépit, de haine et de rancœur les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Donc dans ce dernier verset par lequel se termine la sourate Al-Fath, on voit la description, une des descriptions des compagnons radiallahu ta'ala anhum. Comme le dit le Cheikh Abdel Razzaq al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il dit, les compagnons, Allah a fait leurs éloges avant même qu'ils soient nés. Avant même que leur époque arrive. Peut-être même des milliers d'années auparavant. Pourquoi ? Parce que leurs éloges ont été faits dans la Torah. Des compagnons. Et leurs éloges ont été faits aussi dans l'Évangile. La Torah, à Torah, le livre sacré d'Allah Azza wa Jal, révélé et descendu sur Moussa alayhi salam. L'Évangile, Al-Injil, le livre sacré, révélé et descendu sur le prophète Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, Isa ibn Maryam, il a vécu 6 siècles avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam. C'est la période qui les sépare. Et c'est l'avant-dernier prophète. Entre les deux, il n'y a pas de prophète. Il y a 600 ans qui les séparent. Et Moussa est bien avant. Bien avant. Donc, dans la Torah et dans l'Évangile, on y retrouve les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant les compagnons d'Allah ta'ala. Donc, la première partie qui parle des compagnons, Allah nous dit, dans le sens du verset, telle est leur image dans la Torah. Voilà la description qu'il fait d'eux dans la Torah. Et dans la deuxième partie de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile. Ils sont cités aussi dans l'Évangile. C'est-à-dire le livre comme il a été révélé par Allah Azza wa Jal. Pas les livres qui existent aujourd'hui, qui ont été falsifiés et dont la main de l'homme a participé dans l'écriture en enlevant et en rajoutant quand bon semblait à certains. Ça, ce n'est plus en lui-même le livre d'Allah Azza wa Jal. C'est un livre qui a été entaché. Donc, ce n'est plus... Il y a des passages qu'on peut retrouver dedans qui font partie du livre sacré. Mais tout ce qui est dedans n'est pas le livre sacré d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il y a eu des rajouts. Et en plus de cela aussi, ils ont enlevé du livre. Donc regardez la place qu'ils ont, les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Ils sont cités dans les livres sacrés d'Allah Azza wa Jal. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux de ma génération, c'est-à-dire les musulmans qui vivent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les compagnons. Puis, ceux qui viennent après, la génération qui vient après. Puis, la génération qui vient après. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous parle des meilleurs des hommes, des meilleures personnes dans la communauté musulmane. Et il nous dit, chronologiquement, dans l'ordre, puisque thumma, hein, ça veut dire puis, c'est-à-dire que celui qui est cité après, il vient après, dans l'ordre. Ce n'est pas comme et, et, la conjonction de coordination, qui elle, on ne sait pas dans quel ordre il est. On dit, par exemple, Mohammed et Mustapha sont entrés. On ne sait pas qui est entré avant l'autre, on sait que les deux sont entrés. Même si l'un a été cité avant l'autre, ça ne veut pas dire qu'il est entré avant lui. Mais si on dit, Mohammed est entré, puis Mustapha, là on le sait. On sait que c'est Mohammed qui est entré en premier et que Mustapha qui est entré par la suite. Vous comprenez ? Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donne la préférence, c'est dans un ordre. Les premiers, les seconds, les troisièmes. Les trois générations vantées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. et dont le prophète sallam a témoigné qu'ils sont les meilleurs. Et ce sont la période qu'on appelle la période de As-Salafu Salih, des pieux prédécesseurs. As-Sahaba, At-Tabi'un, ou At-Tba' At-Tabi'in. Et regardez dans le verset tout à l'heure qu'on a récité. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Le cheikh va en parler que l'éloge qui est faite aux compagnons ne peuvent entrer dedans concernant les générations qui viennent après que si ils viennent avec une condition bien précise qu'on va voir. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon arme dans sa main, si l'un d'entre vous viendrait à donner en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud, toute la montagne de Uhud en or, cela ne vaudrait même pas, n'égalerait même pas la donation d'un compagnon, c'est-à-dire le contenu de ces deux mains réunies, de farine, de riz ou autre, même pas le contenu d'une seule main. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ces hommes, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné, leur a fait don de ce grand mérite d'avoir ce titre de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui viennent après, qui n'ont pas ce titre-là, n'entrent pas dans ces éloges-là et ne pourront pas les égaler. La donation d'une seule main de l'un d'entre eux, elle dépasse largement si toi tu viens à donner en or l'équivalent d'une montagne. Et il a donné l'exemple de la montagne de Uhud, qui est connue. Bien sûr, le sunnah, c'est clair chez eux. Parce que, à cause des sectes et des tendances et des idéologies erronées, il faut remettre les choses au clair. Les termes n'ont pas la même signification en fonction de l'idéologie. Le sunna emploie le terme imam. Et imam, on l'emploie pour montrer le grade et la place d'un grand savant de l'islam qui a atteint un haut degré dans le suivi de la sunna et dans la connaissance. Donc il a ce titre. Imam est aussi un titre qui est donné pour celui qui gouverne. Celui qui gouverne, on l'appelle imam. Imam est un titre aussi qu'on donne à celui qui préside la prière. On l'appelle imam, l'imam de la mosquée. Donc, il y a chacun, même si c'est le même mot, mais il a sa propre définition. Mais chez le sunna, quelle que soit la définition reconnue, il n'y en a aucun qui est infaillible, qui ne commet pas d'erreur. Tous peuvent être amenés à commettre des erreurs. À la différence de chez les rawafid, les chiites, qui eux, lorsqu'ils citent les imams, c'est une catégorie de personnes bien précises qui sont infaillibles et qui ne parlent qu'avec vérité et que jamais ils ne peuvent se tromper. Les termes doivent être bien définis. Subhanallah. Les compagnons qui sont les meilleurs des hommes. Et on voit la place et le grade qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné. Mais avec cela, on a la ferme conviction chez Ahl al-Sunnah qu'ils sont amenés à se tromper. Ils peuvent commettre des erreurs. Le seul qui est infaillible, c'est le prophète, alayhi salam. Mais le compagnon, en tant qu'être humain, il lui arrive ce qui arrive à tout être humain. Et comme a dit le prophète, kullu bani Adam khatta, wa khairul khatta'i at-tawwabun. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs, se trompent. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui reviennent, qui se repentent. Le problème n'est pas de commettre une erreur, parce que c'est en toi. Tu es amené à commettre l'erreur. Le problème, c'est de persister dans son erreur. Le problème, c'est de ne pas reconnaître sa faute, de ne pas revenir sur sa faute. C'est là où il y a le problème. Mais de commettre une erreur, ça, tout le monde est amené à le faire. Ça, c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété dans sa création. Et nul ne peut aller à l'encontre, si ce n'est un menteur, orgueilleux, qui ne peut pas reconnaître la vérité. À ce stade-là, on ne peut rien faire pour lui. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah nous le dit dans le Coran. Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Ô notre Seigneur, ne nous fais pas de grief, ne nous reprends pas si on a oublié ou on s'est trompé. Donc ça, ce n'est pas un problème en soi. Les soufis, souvent, ils ont cette conviction que leur wali, leur shir, leur sidi, hein, ce sont des gens qui, ils les mettent même parfois dans certains domaines au même stade qu'Allah Azza wa Jal. Comme quoi ils connaissent l'invisible, ils connaissent l'intérieur, ils connaissent ce qu'il y a au fond de ton cœur. Rien ne leur échappe. Et tout ce qu'ils disent, ils le prennent content. Ce n'est pas possible qu'il y ait une faute dedans parce que ça vient de lui. C'est parce qu'il y a une mauvaise conception et une mauvaise compréhension dans ce domaine-là. C'est important de se le rappeler. Donc, où sont ceux qui commencent à dire des phrases? Ça fait un moment déjà. Ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Hein? Des fois, chez certains frères musulmans, on retrouve ce genre de phrases. Pour dire les compagnons sont des hommes et nous, on est des hommes. Oui, ça, sur ça, c'est une vérité. Et les prophètes sont des hommes. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Dit, dans le sens du verset, je suis un humain comme vous. La différence, يُحَا إِلَيْهِ. Mais il m'est révélé. Le prophète, il lui est révélé. Et toi, il ne t'est pas révélé. Et les compagnons et toi, on la voit la différence qu'il y a. Le fait que vous soyez des humains, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a préféré cela à toi. Et il les a élevés sur toi. Et ils ont des droits, on a des droits en commun, et ils ont des droits qui sont propres à eux en tant que compagnons. Radiallahu ta'ala, anhum. Donc, ne vous trompez pas. Les sectes égarées, les prêcheurs de l'égarement, ils ne viennent pas vous dire dès le début leur égarement. Mais ils vont vous ramener des choses que vous allez accepter. Sous certains angles, parce qu'il y a une part de vérité dedans. Et comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce grand imam de l'islam, ce grand savant, Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, si le faux était présenté aux gens comme tel, personne ne l'aurait accepté. On le voit très bien, c'est le faux. Mais les gens le déguisent, l'habillent. D'accord ? Une fois qu'il est déguisé, il est bien habillé, il est présentable, comme on dit. D'accord ? Les gens vont plus faire attention à l'apparence en oubliant ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est le mal qui est voulu. Subhanallah. Et c'est comme ça que le faux, il se propage. Donc c'est aussi une réponse à ceux qui disent « Mais je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'était pas menteur. » Attendez que quelqu'un vous dise qu'il est menteur. Attendez que quelqu'un vous dise qu'il est escroc. Vous croyez que les gens qui se font escroquer, on leur a dit qu'ils étaient un escroc? Non. Ils n'ont rien vu arriver. Subhanallah. C'est comme ça qu'ils font les gens. Dans le domaine mondain, mais combien de personnes sont méfiants dans le domaine mondain? Je parle de la bonne méfiance. Mais dans le domaine religieux, ils baissent la garde. Alors que là, c'est plus grave. C'est plus grave parce que là, c'est une question de paradis ou d'enfer. C'est important d'être sur ses gardes. Donc, les gens viennent avec des choses. Et combien ils sont nombreux, ceux qui veulent éloigner la communauté de sa religion. Et tous les moyens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas sont employés. Même des fois des moyens inimaginables. Ils ne viendront pas vous s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'en prendre directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, la majorité des gens ne vont pas l'écouter, la personne. Donc il ne touchera pas la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il va toucher à l'entourage du prophète, à sa famille, aux compagnons. Donc, si ce n'est pas tous les compagnons, il va s'en prendre à certains compagnons, en rentrant dans des sujets plus ou moins véridiques. Mais est-ce que tu avais le droit d'y entrer dedans ou pas dans ces sujets-là? Une autre question. Et c'est comme ça, petit à petit, jusqu'au jour, une des références chez les chiites, qu'ils appellent Ayatollah, ce n'est en rien des signes d'Allah. C'est pas vrai, même s'ils portent ce nom-là. Il a dit, certains soi-disant affiliés à la sunna, dans le sens erroné qu'ont les gens, certaines personnes qui pensent que tout ce qui n'est pas affilié au chiisme est un sunnite. Ils disent le monde sunnite et le monde chiite. Ça, c'est faux. Il n'y a pas que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le comité va se diviser en 73. Il n'y a pas que les chiites qui sont dans l'égarement, bien que les rawafid n'entrent même pas. Il y en a plein. Donc les gens pensent que la personne qui n'est pas, alors elle est sunnite. Et ça, c'est une erreur là-dedans. L'essentiel, il a dit quoi? Il a dit, certains prêcheurs qui prêchent par-ci, par-là, nous rendent un grand service. Énorme service. Il a cité l'exemple de Adnan Ibrahim, un Palestinien qui est en Suède ou dans un des pays scandinaves. Wal'iyadhu billah, un ennemi même de l'islam. Mais comme il a un beau parler, les gens, c'est eux-mêmes qui jugent. Ah non, j'ai pas vu. Mais tu connais rien. Qu'est-ce que tu veux voir? Beaucoup de gens parlent comme ça. Et moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Tu connais quoi? Tu distingues comment? Subhanallah. Pourquoi tu demandes pas aux gens de connaissance et de science? Eux vont te répondre. Mais comme les gens veulent être indépendants totalement et ils pensent que c'est l'action qu'il faut avoir, non, moi, je vene veux pas être un mouton. Pourquoi il y a eu le problème? Tout prophète a été berger. Et berger des moutons et des chèvres. Subhanallah, il y a eu le problème. Pourquoi? Parce que celui qui sait contenir et sait s'occuper d'un troupeau de moutons, de chèvres, ça va l'aider pour s'occuper de la communauté. Et dans plein de questions, ton opinion personnelle, elle ne t'est pas demandée. Puisque Allah a déjà tranché. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la réponse. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu dois suivre. Eux, ils te disent non, sinon ça veut dire que je suis un mouton. Donc je ne suis pas. Je dois réfléchir. Et c'est moi, après, je vais dire j'accepte ou j'accepte pas. Ça, ce n'est pas le comportement du musulman. Que tu suis quelqu'un qu'on n'a pas le droit de suivre comme le prophète. Et c'est clair que le suivi qu'on donne au prophète, personne après lui n'a le droit d'avoir ce suivi. Et ça, les premiers musulmans l'avaient très bien compris. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Jamais aucun tabi'i est parti se concentrer sur un sahabi en délaissant les autres sahabas. Il prenait de tous les sahabas ce qu'il avait à prendre. Subhanallah. Et les tabi'i se sont comportés ainsi avec les tabi'i. Ils n'avaient pas ce problème-là. Ce mauvais comportement de suivi aveugle et d'attachement aveugle, mauvais, est venu bien après, des siècles après. C'est le suivi aveugle. Mais dans les premières époques, ils n'avaient pas ce problème-là. Parce qu'après le prophète sallam, si on devait se concentrer sur une seule personne et délaisser les autres, on l'aurait eu pour Abu Bakr, qui est le meilleur des hommes après les prophètes. On l'aurait eu pour Omar, on l'aurait eu pour Uthman, on l'aurait eu pour Ali, radiallahu anhu ajma'in. Et ainsi de suite. Donc ça n'a jamais été un enseignement de l'islam. Mais ces gens-là, ils viennent avec ce genre de phrases. Au lieu d'appliquer ce qu'Allah a demandé, Demandez aux gens de science, du rappel, lorsque vous ne savez pas. Donc on dit aux gens, non, c'est toi-même qui vois, c'est toi-même qui décide, et ainsi de suite. Et cette forme d'indépendance qu'ils veulent prendre, on sait très bien où ça les a menés. Ouais, vous, vous ne réfléchissez pas, moi je réfléchis. Allah, il m'a donné un aqal, je m'en sers, toi tu t'en sers pas. Il accuse les gens. Non, détrompe-toi. Toi, tu t'en sors, tu t'en sers comme s'en servent les philosophes. Et nous, la différence. Alors que le bon musulman, il a un aqal. Mais son aqal, il lui a bien fait comprendre une chose. Allah connaît mieux et sait mieux que moi. Et Allah sait mieux le bien qui est pour moi que moi-même pour ma propre personne. Subhanallah. Allah a dit, je dis, j'ai entendu et je me soumets. Et j'obéis. Toi, tu as dit non, j'ai entendu, mais je n'obéis pas. Je ne me soumets pas. Je réfléchis et je regarde est-ce que je prends ou je ne prends pas. Donc, ce n'est pas une obéissance à Allah. C'est une obéissance à ta passion, même si à la fin tu acceptes. Mais tu ne l'as pas accepté parce que ça venait d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est parce que c'est en conformité avec ta passion et ton désir. Alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ » إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Et il n'était pas permis à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils viennent en décider d'eux-mêmes. Subhanallah. وقالوا سمعنا وأطعنا. Et ils ont dit, nous avons entendu et nous obéissons. Non pas comme les juifs d'auparavant qui ont dit سمعنا وعصينا. Nous avons entendu, mais nous désobéissons. Ce n'est pas le comportement d'un bon musulman. Et jamais les compagnons ont eu cette éducation. Donc les gens veulent faire croire qu'ils ont atteint un degré. Mais comment ont fait les philosophes? Les philosophes ont vu prendre une indépendance totale. En rejetant, non, c'est trop facile de prendre ce qu'il y a dans les textes. Non, tout. Et eux d'abord, leur imagination, elle est basée sur quoi? C'est quoi le grand point sur lequel ils se basent? C'est le doute. Il faut que tu doutes sur tout. Tant que tu ne doutes pas, c'est que tu ne t'es pas servi de ta cervelle. Subhanallah. C'est tout sur lequel tu dois douter de tout. Et pour eux, c'est que comme ça qu'ils vont se développer et qu'ils vont avancer. Jamais aucun prophète n'a enseigné cela. En fait, ça nous enseigne que la religion, c'est une certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Coran, tout ce qu'il y a dedans est sûr. Il n'y a aucun doute dessus. Et regardez comment est rangé le Coran. Al-Fatiha, puis après il y a Al-Baqara. Dès que tu ouvres Al-Baqara, Alif Lam Mim, Dhalika Al-Kitab. Donc déjà, le livre là que tu vas commencer à lire, que tu débutes à réciter, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici donc le livre dans lequel il n'y a aucun doute. لا ريب فيه. C'est toute vérité qu'il y a dedans. Et qui est plus véridique que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Qui est une guidée pour les pieux, ceux qui craignent Allah azza wa jal et qui croient en l'ghaïb, l'invisible, l'inconnu. Il faut faire attention. Il faut se préserver. Lorsque tu es clairement dans le droit chemin et le chemin de la vertu et de la véracité, tu te protèges, tu te préserves. Meilleur que toi ont bouché leurs oreilles face aux innovateurs. Et toi, tu dis, non, je vais écouter. Et toi, tu prétends que non, moi je suis dans le droit chemin. Mais quand même, je vais prêter oreille à droite et à gauche. Et après, le lendemain, il vient pleurer. Ouais, comment on répond à ça? C'est quoi? Comment on fait pour enlever telle ambiguïté? Qui t'a dit de laisser rentrer? Subhanallah. T'étais tranquille. Et maintenant, on va l'enlever. Elle rentre facilement. Pour la faire sortir, c'est une autre question. Subhanallah. Fais attention. Et c'est pour cela que la polémique est rejetée dans la religion. On ne polémique pas. Tu donnes. Allah a dit, le prophète a dit, les tels alim a dit, tu donnes. Maintenant que tu passes toute ta vie avec la même personne, ouais, je vais essayer. Tu es maître de quoi? Tu tu rentres dans un domaine qui n'est plus le tien. Les cœurs appartiennent à Allah Azza wa Jal. Il les tourne comme il veut. C'est lui qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Ce qui t'est demandé à toi, dans ta capacité, dans ce que tu es capable de faire, c'est de transmettre ce que tu as. Tu n'as pas, tu n'as rien à transmettre. Tu as, tu transmets. Ni plus ni moins. Le reste n'est plus de ton ressort. Mais des gens, des fois, dans leur comportement, c'est comme si c'était eux qui décidaient de l'égarement et de la guider des gens. Ils se trompent. Occupez-vous de ce qu'Allah tabaraka ta'ala vous demande et n'entrez pas dans la question, comme beaucoup de gens, par exemple, dans les du'as, les invocations. Au lieu de s'occuper de l'invocation, de demander à Allah, ils s'occupent du résultat de l'invocation, qui n'est même pas leur domaine. C'est le domaine d'Allah, Azza wa Jal. Toi, il t'est demandé d'invoquer. Le résultat de l'invocation, ce n'est plus ton ressort. Tu patientes et tu attends. Et tu ne sais pas. Cette dua-là, qu'est-ce qu'il en advient d'elle? Tu ne le sais pas. Soit tu verras de tes propres yeux ta demande devant toi, soit tu ne vois rien, mais Allah, il t'a préparé quelque chose dans l'au-delà. Subhanallah. Donc toi, tu ne sais pas. La finalité de ta dua, tu ne le sais pas. Pourquoi? Et les gens perdent leur temps dans « J'ai fait des du'as, on ne m'a pas répondu, j'ai fait des du'as, je n'ai pas eu. » Pourquoi tu t'occupes d'un domaine qui n'est pas le tien? Subhanallah. Donc, le musulman, il a une certitude, il a une confiance en Allah Azza wa Jal. Fais ce qui t'est demandé. Subhanallah. Ça, c'est important. Donc, méfiez-vous de beaucoup de gens qui ils prennent des chemins qui sont très dangereux. Et avec le temps, on en voit le résultat néfaste. فَلَا يَجُوزُ سَبُّ الصَّحَابَةِ عُمُومًا وَلَا سَبُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Donc, il n'est pas permis d'insulter généralement les compagnons, tous les compagnons. De même qu'il est interdit d'insulter l'un d'entre eux. Parce qu'on a des catégories de gens qui s'en prennent à tous les compagnons généralement. D'une manière ou d'une autre. Et à titre d'exemple, Rawafid, les chiites. Et de l'autre côté, on en a qui s'en prennent un ou deux ou trois, ou un certain nombre, des compagnons, en pensant qu'ils ne sont pas tombés dans l'interdit. Non, moi je ne m'en prends pas aux compagnons. Mais il y a quelques compagnons que... Non, toucher un compagnon, c'est une porte que tu as ouverte pour toucher tous les autres compagnons. Ce sont des portes fermées. Et dès que tu as commencé à en ouvrir une, ça a été rentré. Ce que tu crois, la chose que tu crois qu'elle t'a permis de rentrer, eh ben c'est la même idée qui va te revenir pour toucher aux autres compagnons. Tu trouveras toujours un prétexte. Subhanallah. Faites attention. Faites attention. وَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ سَبَّ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ورسوله وخالف إجماع المسلمين وصار من المنافقين الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc, et celui qui vient à les insulter, injurier les compagnons, l'ensemble des compagnons, ou l'un d'entre eux. Au final, c'est la même chose. Au final, c'est la même chose. On doit croire en tous les prophètes et les messagers, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit « je crois en tous les prophètes et messagers sauf un tel », c'est accepté de lui? Il est musulman en agissant ainsi, c'est fini pour lui. Il n'y a pas de compromis. Tu crois en tous les prophètes et tous les messagers d'Allah Azza wa Jal. Tu en sors un, tu les as tous sortis. Subhanallah. Et quand le peuple de Nuh alayhi salam, qui est le premier messager, le premier rasoul, alayhi salatu wa salam, ils ont démenti et mécru en Nuh alayhi salam, alors qu'il est le premier messager, ils sont face au premier messager. Allah a dit, le peuple de Nuh, dans le sens du verset, a démenti les messagers. كذبت قوم نوح المرسلين En démentant Nour, vous avez démenti tous les messagers. Ça, ce n'est pas accepté auprès d'Allah Azzawajal. Ceux qui veulent diviser entre tel prophète et tel prophète. On croit en certains et on mécroit en d'autres. Ça, non. On croit en tous les prophètes sans aucune distinction. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب. Donc, et celui qui viendrait injurier, insulter l'ensemble des compagnons ou l'un d'entre eux aura désobéi à Allah et à son messager et aura contredit le consensus de tous les musulmans. Et en agissant ainsi, il rejoint le camp et le rang des hypocrites. Ce sur qui Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, ce sont les versets 65, 66 de la sourate At-Tawbah, le repentir. Dans le sens du verset, dit est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, ne cherchez pas de prétexte, car vous avez bien mécru après avoir eu la foi. Vous avez vu le danger? Et ça, c'est une forme de dénigrement et de manque de respect envers Allah, envers ses signes, ses versets, et envers son messager, alayhi salatu wassalam. Et ce verset qui a été révélé, la cause de la révélation, c'est quand ils allaient vers une bataille, les compagnons avec le prophète, sallam, et certains compagnons ont parlé entre eux, en disant, en se moquant des compagnons, en disant d'eux que c'était des gens qui ne cherchaient qu'à manger, qu'ils avaient des gros ventres. Et ce sont des gens... Il n'y a pas plus peureux qu'eux à la rencontre de l'ennemi. Lorsque ces paroles ont été rapportées, quelqu'un a entendu, il les a rapportées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus, ils ont dit non, on faisait que rigoler, on s'amusait. Tu rigoles sur ça? Et Allah a révélé, donc dans le sens du verset, dit est-ce d'Allah, de ses versets et de son message et que vous moquiez? Ne cherchez aucun prétexte. Ne vous excusez pas. Donc, on voit bien la gravité. Un bon musulman n'agit pas ainsi, de cette manière. Et le fait d'en arriver à agir ainsi a des conséquences. Le shir Hafidhullah dit « وَمَنْ سَبَّهُمْ فَقَدْ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ الَّذِي تَحَمَّلُوهُ وَبَلَّغُوهُ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ. Et celui qui viendrait à les insulter, à les injurier, c'est quelqu'un qui a atteint de cette manière-là à l'islam. Donc il met en doute l'islam. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont rapporté l'islam. Et si eux ne sont pas bons, donc ceux qui nous ont rapporté n'est pas bon. On ne peut pas les croire, ni prendre d'eux, subhanallah. Donc, c'est pour atteindre l'islam. Les premiers qui ont agi ainsi, c'était ça leur but. C'était une manière d'éloigner les gens de l'islam, en mettant en doute ceux qui ont transmis l'islam. Parce qu'ils sont les intermédiaires entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la génération qui vient après. Et l'islam se transmet de génération en génération. Donc, si on a tout le temps les liens telle génération, de telle génération, de telle génération, de telle génération, et on se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on arrive au tabi'in, et on nous dit, telle génération qui est juste avant le prophète, elle n'est pas bonne. Eh bien, on n'a personne qui a pu prendre directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on met en doute le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on met en doute la prophétie du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Donc, وَمَنْ سَبَّهُمْ فَقَدْ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامَ الَّذِي تَحَمَّلُوهُ وَبَلَّغُوهُ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ فَهُمْ الْوَاسِطَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ الَّذِينَ نَشَرُوا الْإِسْلَامَ بِالدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ. Donc, ils sont l'intermédiaire entre nous et entre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui ont propagé, diffusé et transmis l'islam par le prêche et le combat dans le sentier d'Allah, azza wa jal. فَحَقُّهُمْ عَلَيْنَا تَوْقِيرُهُمْ وَاحْتِرَامُهُمْ وَمَحَبَّتُهُمْ وَالِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ. Donc ils ont des droits envers nous. Ils ont des droits. Et parmi ces droits, le fait de les honorer, de les respecter, de les aimer, de les suivre, de les prendre comme exemple et de ne parler sur eux qu'en bien. De ne parler d'eux qu'en bien en faisant leurs éloges. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Le verset numéro 10 de la sourate Al-Hashr, qui est l'Exode. Et ce verset, c'est la suite des versets de tout à l'heure qui parlent des Muhajirin et des Ansar sur le butin Al-Fay, qui est partagé d'abord la catégorie des Muhajirin puis la catégorie des Ansar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des meilleurs des musulmans de cette première génération et fait leurs éloges, subhanahu wa ta'ala, Muhajirin, Al-Ansar, puis il vient derrière ce verset-là. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Et ceux qui viennent après eux, qu'en est-il? De comment ils se comportent, les musulmans qui viennent après? Les générations des musulmans qui viennent après As-Sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Allah nous dit, dans le sens du verset, il appartient aussi, également, le butin, le muhajirin, Al-Ansar, et ceux qui viennent après. Mais comment ils se comportent, ceux qui viennent après, pour pouvoir avoir le droit à ce partage et entrer dedans? Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous » ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Voilà. Donc, ils demandent le pardon d'Allah pour ceux qui les ont précédés dans la foi, c'est-à-dire Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui y ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Voilà le comportement qu'ils doivent avoir. Et non pas de contredire la parole d'Allah Azza wa Jal et de faire tout le contraire de ce qu'Allah nous demande. Voilà comment ils se comportent. Ceux qui viennent après, ils invoquent Allah Azza wa Jal de leur pardonner à eux-mêmes ainsi qu'à ceux qui les ont précédés. Et en même temps, qu'il ne met aucune rancœur, aucun souci, problème envers eux dans le cœur. Le cœur, il est sain. Le cœur, il est propre. Il n'a aucun problème vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et c'est pour cela que l'imam Malik, alayhi rahmatullah, en a déduit de ces versets que celui qui insulte les compagnons n'a pas le droit au partage. Parce qu'il n'a pas appliqué ce qu'Allah a dit. Donc il est exclu du partage. Et lorsqu'un homme est venu et il a commencé à parler en mal d'un compagnon, l'imam Malik l'a regardé et lui a dit, « Oh un tel, et regardez bien, il va lui poser des questions là où l'imam Malik a la conviction ferme de la réponse. Il en connaît la réponse, il n'y a aucun doute dessus. Puisqu'il sait qu'en face de lui, il n'a pas un compagnon. Il sait qu'en face de lui, ce n'est pas un compagnon. Donc il va lui poser des questions là où la réponse, elle est connue. Et là où normalement la réponse, elle n'est pas connue, l'imam Malik va dire la situation de cette personne. Il lui dit, « Est-ce que toi, tu fais partie de ceux sur qui Allah a dit, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Là on parle des muhajirin. L'homme a dit non, je ne fais pas partie. طيب. Il lui dit, est-ce que tu fais partie de ceux sur qui Allah a dit le verset d'après? والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Là on parle de l'Ansar. Est-ce que tu en fais partie? Il dit non. L'imam Malik de lui dire, et moi je témoigne que tu ne fais pas partie de ceux sur qui Allah a dit. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ظهر الآن طوائف وأفراد يتنقصون الصحابة ويسبونهم أو يتنقصون ويسبون بعضهم في القنوات والمواقع. Et donc le cheikh Al-Fawzan, Hafizallah, dit, et maintenant il a paru des gens et des groupes de personnes qui dénigrent, rabaissent, insultent les compagnons ou ils agissent ainsi envers certains compagnons. Ils le font dans des chaînes de télévision satellitaires et dans des sites internet et autres lieux. وهذا طعن في الإسلام وفي حملته. Et là dedans il y a une atteinte faite contre l'islam et les références de l'islam qui sont les compagnons رضي الله تعالى عنهم. Donc il y a الروافض, les Shia qui le font, et ça la plupart le savent. Et il y a Sayyid Qutb qui l'a fait et qui a fait revivre cette idéologie. Il y a Adnan Ibrahim, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, qui est aussi un des grands représentants de cette idéologie, wal'iyadu billah. Et il y en a plein. Et on retrouve souvent cette façon de faire chez certains frères musulmans qui se permettent de remettre en cause et de discuter de tout. Il n'y a plus de limites, wal'iyadu billah. Si, il y a des limites. Il ne faut pas parler de leurs références à eux, ni de leurs règles inventées, innovées, ni de leurs références, qui sont des égareurs égarés. Wal'iyadu billah. وهذا طعن في الإسلام وفي حملته ومعصية لله ولرسوله ومخالفة لإجماع المسلمين. Et là-dedans, il y a une désobéissance d'Allah, de son messager, et une contradiction à l'encontre du consensus des musulmans. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.